nous aimer comme des clowns fatigués. Vois-tu le spectacle finir et les armures se ternir quand les gladiateurs d'opérette meurent dans les bras des starlettes. J'ai cessé d'être nostalgique quand j'ai compris que tes répliques n'étaient pas seulement un de mort. Est-ce un film de série B, pellicule un peu froissée, avec des costumes et des décors de Roger Hart et de Donald Cardwell? Est-ce une pièce de boulevard ou la faiblesse de l'histoire? Les auteurs sont d'un ridicule sans pareil. Moi j'ai cessé d'être nostalgique quand j'ai compris que tes répliques n'étaient pas seulement un leurre, mais aussi un ange de mort. Jeune premier, si avide de te posséder, malgré les molles protestations qu'exigent ta bonne éducation, tu feignais si bien d'ignorer de quel désir je me chauffais, en supportant à rien stoïque les railleries de ton public. Moi j'ai cessé de